Donc, qui va être la prochaine? Je pense que je peux permettre au féminin, hein? Il n'y avait pas de garçon cette année. Oh, que c'est joli! Oh, oh! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Ah! OK, on a quelqu'un d'une très grande expérience ici. Je viens de tomber sur le petit envoi de parfum. Donc, je vous l'ouvre puis je vous reviens. Ça brille, ça brille! Je suis pleine de brillants! Les produits aussi! Et les idées étaient brillantes aussi, hein? Je tiens à souligner. Donc, parfum nous la joue Noël scintillant cette année. Mais c'est l'emballage, hein? Je ne vais pas trop en donner d'informations non plus. Et un de tes produits en particulier, que tu as fait inconsciemment, va probablement me sauver la vie. J'en dis pas plus, mais merci à l'avance. Et tout à l'heure, je file droit dans la salle de bain pour apprécier le bonheur que tu as mis dans cet emballage. J'ai failli trop en dire, hein? Trois beaux produits qu'elle nous a faits. Des utilisations multiples selon vos convenances. Donc, j'en dis pas plus, m'a vendu la mèche, mais merci parfum, c'est la voix de l'expérience qui parle ici. OK, nous poursuivons avec So Willow. Oh, un paquet tout mimi, tout... Oh, c'est cute, ça? Oh, OK, on a de la suite dans les idées. Bon, ben je vous ouvre ça parce que moi puis les nœuds, on dirait que c'est pas vraiment le meilleur mélange qu'on peut faire. Et je vous reviens. OK, ça oui. Quel souci du détail, t'as même exploité un de mes personnages de fiction préférés pour les étiquettes. Je vais pas trop en parler parce que je risque vraiment, mais vraiment de vendre la mèche ce coup-là. Disons simplement que c'est super mignon. Donc, je te remercie beaucoup, Zoé. Le cadeau principal t'exploite quelque chose que j'ai jamais su utiliser personnellement. J'ai jamais eu la patience de faire, plutôt. C'est vraiment mignon. Merci beaucoup, Zoé. J'en parlerai pas plus longtemps, moi vendre le punch, là. Mais c'est vraiment cute. Merci. OK, maman chef vient de me tendre un paquet mystérieux. C'est bien mignon, qu'est-ce qu'on met pour décorer? Mais j'ai toujours... Non, j'ai pas de nom. Je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, on va l'ouvrir. Avec un peu de chance, le mystère va être dévoilé dans quelques instants. Flûte! Celui, pas de nom, il y a pas de nom non plus à l'intérieur. Ça a l'air super. Je capote en particulier sur un des... Bon, on va le dire, un des petits plats contenants qui a été utilisé. Mais il n'y a pas de nom. Donc, on va attendre à la fin. On va y aller par déduction. Qui n'aura pas été nommé, ce sera cette personne-là. Nous poursuivons avec, d'après ce que je peux voir, les bains-mariages. Donc, Marie, que nous as-tu concocté cette année? Pour le savoir, attendez quelques instants. Le temps que nous ouvrons, nous défaisons le nœud, qui est mon ennemi juré. Donc, attendez-moi un instant. OK, me voilà de retour. Nous avons ouvert le cadeau de Marie. Et Marie, tu t'es défoncée côté étiquette. T'as-tu passé des heures dans l'ordi? Ça n'a pas de sens. En tout cas, pour moi qui n'est pas capable de faire une étiquette autrement qu'à la main ou presque, je suis complètement ébahie. Côté cadeau en tant que tel, c'est la première fois que, malgré que ça fait plusieurs swaps que je participe avec toi, c'est la première fois que j'ai ce type de produit-là de ta part. Donc, j'ai hâte de voir ta version de la chose. Merci beaucoup, Marie. C'est très, très beau. Je suis sans voix et je vous abandonne et je file sous la douche, dans la bain. Vous ne m'en verrez pas pendant quelques jours. Donc, la suivante, c'est Marité. Ce que tu as utilisé pour emballer nous laisse entrevoir suffisamment pour nous donner le goût d'aller plus loin. Donc, encore une fois, je vais couper le temps de révéler les merveilles que cela contient. Tenez-moi un instant. OK, Marité. Trois beaux cadeaux, tous sur le thème de Noël. L'emballage très réussi, les couleurs, tout y est. Merci beaucoup, Marité, pour ces petites merveilles. C'est très... Donc, nous poursuivons avec qui? Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est carton! Oh, c'est bien. Tout est bleu! Hé, hey, c'est cute! Bon, ben, on ouvre ça, carton, puis on te revient. Ma chère carton, Tu es folle, mais de la plus belle folie qu'on peut imaginer. C'est tellement de travail ce que t'as fait, ça n'a pas de sens. Je capote. Les odeurs sont à tomber. Comment t'as pu trouver le temps de faire tout ça pour 24 personnes? C'est fou! Ben, merci du fond du cœur. Ils vont être très utiles. Oui, ça va être très utile quand on va revenir de l'école. Je vais m'en servir pour décontracter, décompresser. Oh, merci, carton! Donc, la suivante va être... Wow! C'est très mignon. C'est quoi ça? C'est Orlan! Oh! OK, c'est... L'emballage est conçu pour les longues distances, c'est bien pensé. Et... Oh! Ben merci beaucoup, Orlan! Je veux pas vendre la mèche. Okay, on va l'ouvrir. On va sniffer pour savoir que le parfum c'est. Donnez-moi un instant. Je viens de m'amuser à gigoter le produit. Je sens que ça va me distraire pendant des heures et des heures. Il est d'un superbe moiré. L'odeur sent très bon. En tout cas, c'est un produit qu'on va bien utiliser, mais je ne veux pas vendre la mèche. Merci Orlan, c'est super. C'est bien pensé. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec Nausicaa. Nausicaa. Je ne sais jamais si c'est Nausicaa, hein? Je pense que c'est Nausicaa. OK. C'est vraiment beau que tu aies utilisé pour faire ton emballage. La couleur est frappante. C'est très Noël. Donc, on déballe ça et on vous revient dans deux instants. Les filles, vous avez faim ou vous étiez au régime? Encore quelqu'un qui aurait eu besoin d'un petit papier pour nous avertir, ceci n'est pas un produit qui se mange. L'effet est vraiment bien réussi. On s'y méprendrait. C'est tous des produits qui vont être utilisés chez moi. Merci beaucoup, Nausicaa. Nausicaa. Je suis pas bonne. La suivante, c'est ma chère Nansu. J'adore ton moule. J'en donne pas trop d'informations, là. Mais j'adore ton moule. Sans blague, il y a des détails là-dedans qui sont renversants, mais chez toi, avec la collection que tu as, je suis certaine que c'est... Fais laisser attendre. Tes produits ont de l'air fantastiques. Ça va? Le petit boom ici, c'était maman chef qui vient s'arracher l'épaule. Ça va? Oui? OK. Bon, passons. Donc, les produits de Nansu sont fabuleux. L'emballage très mignon. Je suis vraiment contente. Le dernier savon que j'avais eu, toi, avait été souffert du transport. Mais ce produit-là est en bon état. Donc, je vais avoir tout le plaisir de déballer et de jouer avec. Merci beaucoup, Nansu.